That was the freedom bell. To remind you that you are listening to Radio Campus Grenoble 90.8. L'apéro. L'apérophonie. Le booster musical et culturel. This is Radio 90.8. Radio. There is news every hour that we are on the air. Every hour on the hour. We transmit world news. Truthful and undistorted. Our feature programs offer music, satire, entertainment, information, commentary, and services. Real services. L'apérophonie. Yes, music just to please our audience. L'apérophonie. Apérophonie. Apérophile. L'apérophonie. This radio station has been constructed. Apérophonie. Apérophonie. Le cocktail musical et culturel du 90. Freedom of speech and communication. Plus Grenoble 90. L'apérophonie. Apérophonie. Le booster musical et culturel de ta radio. Eh bien, bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Vous écoutez Campus Grenoble 90.8 ou vous nous écoutez en direct sur www.campusgrenoble.org qui vous permet d'écouter votre radio fétiche sur vos objets fétiches, smartphone, tablette, portable ou votre bon vieux gros truc que vous avez au bureau pendant que vous travaillez, histoire de ne rien faire discrètement au boulot. Vous allez passer un long moment avec nous puisque l'équipe du mercredi soir vient de prendre l'antenne pour aller jusqu'au bout de la nuit. On commence avec du live en studio et la nuit se terminera également avec du live en studio. On démarre avec Dusty Rodeo. Deux des membres du trio sont dans les studios pour quelques morceaux en acoustique et aussi pour répondre à mes questions et parler notamment de leur prochain concert. Ce sera ce samedi 5 décembre, ce sera à l'Amphi... Ah bah ça y est, j'ai bouffé le nom de... Vas-y, tu peux parler, on t'entend. Ouais, salut, salut tout le monde. Voilà. Moi, je suis passé de l'autre côté de la vitre. Du miroir même. Exactement, du miroir. Mais je te vois, c'est un petit peu quand même. C'est un miroir sans teint pour moi. Bref, c'est à l'Atrium. L'Atrium, merci. Et c'est au Fontanil-Cornillon. En banlieue de Grenoble, dans la toute proche banlieue, hein, c'est pas, on va pas vous envoyer au bout du monde, et vous aurez donc les Dusty Rodeo ce samedi 5 décembre à l'Atrium au Fontanil-Cornillon. Et les Dusty Rodeo, ils sont immédiatement et rien que pour vous en live dans les studios de Radio Campus. Messieurs, c'est à vous. Oh, Daisy McGee. Daisy McGee, where she spins and screams on Station 101, you do big hot Daisy McGee. Daisy McGee, where she spins and screams all night long, where she sings in high cups with wide open eyes, where she rocks and she drinks, where she rocks and she burps, where she spins crazy legs, she shifts a little make, shakes skinny hands, she rocks and never hands. Oh, Daisy McGee, Daisy McGee, where she spins and screams on Station 101, she'll do big hot Daisy McGee. Daisy McGee, where she spins and screams all night long. She came, not even a teen, she's my little queen. Well, she whirls and she whirls. She's my little girl. She drives me crazy. She's my Miss Daisy. Daisy Boogie. Daisy Boogie. Well, she spins and screams. Station 101. She'll do a big hug. Daisy Boogie. Daisy Boogie. Well, she spins and screams. All night long. All night long. All night long, you do big hug again. Les Dusty Rodeo à l'instant dans les studios de Radio Campus Grenoble 90.8 en direct avec leurs instruments qu'ils vont poser pour s'installer devant les micros et répondre à quelques questions, et puis ils rejoueront au moins deux autres morceaux en live rien que pour vous, histoire de vous donner envie de sortir de chez vous ce samedi le 5 décembre pour aller les voir sur la scène de l'Atrium au Fontanil Cornillon. Comment ça va? Eh ben très bien. Ouais. Juste pour ajouter, c'est vrai que le Fontanil Cornillon, ça peut sembler loin comme ça. Non, mais c'est juste à côté. C'est juste à côté. Même le tram va jusque là-bas. Exactement. Donc n'hésitez pas à y aller. C'est tout simplement au terminus de la ligne E. Voilà. Et c'est une chouette salle aussi à voir. Exact. C'est votre plus grosse scène depuis le début de Dusty Rodeo. Bah ouais, depuis les quelques 12 à 18 mois, effectivement. Ça change un peu de. Des endroits où on a l'habitude de jouer qui sont plutôt, on va dire, des bars, restaurants, des choses comme ça. Et là, c'est l'occasion de fouler une véritable scène, on va dire, et puis d'avoir de meilleurs moyens à disposition. Ouais. Alors, on a commencé comme il fallait pas, c'est-à-dire vous n'êtes pas présenté. Donc, absolument puisque tu as le micro, pas. Monsieur Stéphane, vas-y, dis bonjour. Bonjour, je m'appelle Stéphane, je suis donc, alors, outre Dusty Rodeo, j'ai aussi une émission sur Campus. Bah ouais, on fait un peu de l'autopromotion. Hein. Exactement. C'est un peu de la connivence tout ça. Bref, on n'est quand même pas là pour faire de la politique, donc c'est pas trop critique. Donc, je suis au sein du groupe guitariste et chanteur. Alors, nous sommes deux guitaristes. Moi, je suis à la guitare électrique. Et au chant, et puis en face de moi, le contrebassiste. Ouais, bonjour Fab. Et donc, vous avez déjà presque tout dit. J'ai pas d'émission encore sur Campus. Ça pourrait venir. C'est pas sûr, on peut essayer. Et voilà, je suis contrebassiste pour le groupe Dusty Rodeo. Et ça fait un an et demi qu'on joue ensemble, en fait. À peu près, ouais. À peu près. Et puis un troisième membre. Le troisième larron, c'est Marco Pacino Marinier, qui n'est pas là, mais qui est là dans nos cœurs, en tout cas. C'est ça. Lui, il est au travail. Il est au travail. Alors, il est un peu plus vieux que nous, et nous, on travaille plus vite. Hein. C'est pour ça que ça puisse libérer plus. C'est ça. Je blague. Hein. C'est moche de se moquer des absents. Ouais. Et tout à fait, on va pas casser du sucre sur son nom. Marco, lui, il officie à la guitare acoustique et aux secondes voix. Donc c'est pour ça que là, ce soir, ce que vous entendez, c'est très très dépouillé. En fait, on est complètement acoustique, alors que normalement, je suis électrique. Et puis, on a Marco qui porte quand même une grosse base rythmique. Absolument. Donc, vous serez dans la formation en trio électrique ce samedi 5 décembre à l'Atrium au Fontanil Cornillon. Absolument. L'histoire d'Dusty Rodeo existe là dans cette formule-là depuis un an et demi, c'est ça à peu près? Ouais. Si j'ai bien tout compris. Sous ce nom-là, on existe depuis. Alors le nom depuis, on va dire février-mars, on l'a adopté. Ouais. Voilà. On l'a adopté. À l'unanimité. Collégialement. On en a discuté, puis finalement on a pris ça. Mais l'aventure remonte avant, donc. Absolument. Ouais, c'est un long parcours en fait. Ouais, alors disons que le répertoire que vous jouez, que nous jouons avec Dusty Rodeo, c'est moi-même personnellement un répertoire que j'ai rodé depuis des années déjà, parce qu'on vieillit tous, bah oui, ma pauvre que j'ai pu roder dans différentes formules, même complètement en solo, acoustique, aussi en duo avec un autre guitariste, et notamment en Allemagne, donc où j'ai passé pas mal d'années. Donc, où tu faisais déjà de la radio d'ailleurs. Absolument, sur une radio là-bas au sud de Stuttgart qui s'appelle Wüstewelle, Radio Wüstewelle, et dans laquelle j'officiais d'ailleurs avec la même émission que sur Campus. Et donc j'ai pu aussi roder mon répertoire là-bas. On va dire la seule différence par rapport au concert en France, c'est que tu parles allemand entre les morceaux. Vas-y, parle allemand. Et que Johnny Hallyday est bien moins connu aussi. Ouais, et Johnny Hallyday fait l'effet là-bas. Quand c'est chanté par toi-même, c'est marrant. Was könnte ich sagen? Ah ja, wir wissen, dass es gibt auch eine deutsche Frau bei dem Sender hier auch. Ah oui. Ja, die heißt Elisa. Ich weiß nicht, ob sie uns hört, oder? Ja? Hallo Elisa. Nein, sie hört uns gar nicht, oder? Voilà, vous écoutez donc la BBC, le programme international de Radio Free Europe. T'es resté combien de temps en Allemagne? 12 ans. Ah oui. D'où le fait que tu parles très bien allemand. Oui. Pour un français. Oui, mais avec un gros accent français, je te rassure. J'ai entendu. Mais c'est normal, ça fait partie du charme de la chose. Tout à fait. Et le plus bizarre, c'est que lorsque tu joues là-bas, on va dire plutôt de la musique américaine, qui reste quand même la base de notre répertoire, quand ils entendent ton accent français, les gens s'attendent plutôt à ce que tu chantes de la chanson française. Donc ils sont plutôt assez surpris et déconcertés quand ils t'entendent faire plutôt Johnny Cash ou Elvis Presley, quoi. Donc c'est pour ça que là-bas, je casais quelques morceaux de Johnny pour faire de l'effet, et les gens étaient contents parce que c'était de la chanson française. Le côté exotique, discrète aussi. Et je peux dire que faire Gabriel, avec le faire croiser les bras aux gens sur Mourir d'amour enchaîné, ça, en Allemagne, ça assure. Les gens le font bien. Et oui, c'est sûr que vu de l'autre côté du Rhin, Hallyday, c'est complètement autre chose, quoi. Pour eux, il n'y a pas tout le background qu'on a subi depuis qu'on est petit avec ce monsieur. Tout à fait. Mais ils le connaissent de nom, en tout cas. Mais ils en ont d'autres, hein. Ils ont leur Johnny Hallyday locaux. Hein. Ah oui, oui. Et puis Hallyday, notamment dans les 60 et 70, sortait ses disques dans des versions chantées dans plein de langues étrangères, et notamment en allemand. Absolument. Ouais, c'est partie de la promo de l'époque de sortir tes morceaux... en japonais, en allemand, en italien. Comme Mireille Mathieu. Hein, comme la plupart des très gros artistes de variété française. Ouais. Et ce qui fait le bonheur et l'opiniâtreté de tous les collectionneurs de disques de la planète qui cherchent tous le 45 tours de tel morceau chanté dans telle langue par Hallyday ou par Eddie Mitchell ou des choses comme ça. Quoi. Absolument. Perdu. Donc oui, effectivement, il était aussi un peu connu de l'autre côté du Rhin. Bah d'ailleurs, l'Allemagne, Johnny d'ailleurs a été bidas en Allemagne à une époque. Hein, bah oui. Hein, comme Elvis. D'Offenburg, pas très loin d'où j'étais. Comme Elvis aussi, comme Johnny Cash. Donc, ouais. Ce qui explique aussi la connexion importante entre le rock'n'roll 50s américain et la culture musicale en Allemagne. C'est la présence des bases militaires de l'US Army qui sont toujours là-bas. Et qui sont toujours là-bas et effectivement qui vivent de manière assez autonome, qui ont leur propre magasin, leur propre... Donc en fait, t'as essayé de revivre ce que tes idoles ont perpétré. En fait, c'est une coïncidence. Mais peut-être que inconsciemment, voilà, c'est arrivé comme ça. Ouais. Mon père a été militaire en Allemagne aussi. Ah bah voilà, il a fait son service national là-bas. Ouais. Enfin, il était engagé. Ah. Et avant de parler justement du répertoire, des influences et des choses comme ça, si on s'en faisait un petit deuxième, ça vous dit? Ouais. Alors. Le contrebassiste se lève pour attraper sa contrebasse. Et oui, forcément, c'est un autre instrument. C'est physique, c'est de la logistique, une contrebasse. On va vous proposer cette fois plutôt une balade. Ok, Dusty Rodeo dans l'apérophonie sur Campus Grenoble 90.8. Quand vous voulez. Every morning, every evening, I take the train, and she takes a train. I see her, and she sees me. I look at her, but she don't look at me. In the train to the twilight zone, I read every book to spend all those miles waiting for a look, waiting for a smile. But she ignores me, I'm all alone. I try like train, hundreds of faces on a railroad track. They all look like ghosts, I don't in a dust, there is no way back. She's a star in the darkness, she shines on me, but I can't take her hand. She may be a ghost, or only a dream on a twilight train. Twilight train, hundreds of faces on a railroad track. They all look like ghosts, I don't need a dust, there is no way back. She's a star in the darkness, she shines on me, but I can take her hand. She may be a ghost, only a dream on a twilight train. I sing a true some of my songs, but she went away. I'm all alone. My mama told me a woman's your shadow, she will only flee if you try to follow. If I turn my back, will she follow me? She would be my June, I'd be her Johnny. Black hair, black eyes, she's only a dream. In my train to the twilight zone, in that train to the twilight zone, in that train to the twilight zone. Dusty Rodeo dans les studios de Radio Campus Grenoble 90.8 dans l'apérophonie, donc live in direct. Merci messieurs, et donc dans la formule en trio et électrique, ils seront en concert ce samedi 5 décembre à l'Atrium au Fontanil Cornillon, au bout de la ligne E du tramway. Voilà. Juste d'abord, je voulais vous remercier d'avoir accepté de venir jouer en live à la radio, puisque c'est la première fois que vous le faites. Pas moi, mais avec Fabrice, oui. Ouais. Oui, bah oui, toi tu l'as déjà fait dans ton émission. Donc Honky Tonk Live un mercredi sur deux sur Campus Grenoble 90.8 à partir de 22h. Tout à fait, rediffusé la semaine suivante, donc ouais. Potentiellement tous les mercredis. Tous les mercredis. Mais là, effectivement, dans cette formule-là, c'est la première fois que vous jouez dans des studios de radio. Absolument, ouais. Ouais. Alors, tout à fait. C'est vrai qu'avec une contrebasse, c'est pas évident. Ouais, mais je pense qu'avec un batteur, c'est encore moins évident. Donc finalement, on trouve toujours de la place pour nous. Puisque tu rappelais tout à l'heure que l'aventure avait commencé avec toi tout seul, puis après dans d'autres formules, comment tu as rencontré tes deux acolytes actuels ? Eh bien, Fabrice, je l'ai rencontré au Turbin. Comme quoi, ça sert à quelque chose, en fait. Nous travaillons dur. Et ça commence souvent comme ça, les aventures musicales. Ouais, bah oui. Voilà, donc si c'est pas les copains de lycée, c'est les collègues de travail, donc tout simplement. Et j'étais à la recherche d'un contrebassiste, et via un autre collègue bassiste, j'ai eu vent justement des activités de Fabrice, qui il m'a dit il pourrait jouer de la contrebasse. C'est pas ce qu'il joue à l'origine, mais il pourrait en jouer. Alors j'en ai touché justement deux mois à Fabrice, parce que lui n'a pas forcément un background de musicien roots rock ou country ou blues. Et en fait, pour lui, c'était peut-être un moyen de diversifier ses activités, parce que sinon, lui, il est plutôt bassiste électro. Et il fait même de la musique électro au sens large. C'est un petit peu le grand écart, en fait. Voilà. Mais c'est intéressant, parce que c'est un rappel aux sources. Effectivement, c'était pas forcément... ça faisait partie des épisodes dans la musique que j'avais raté. donc effectivement, je me suis plongé, pas replongé, mais plongé dans toute cette époque. Et c'était assez intéressant, effectivement, de revoir et de refaire le lien avec des... Voilà, moi, j'ai commencé à écouter la musique plutôt avec les Pink Floyd. Donc, il y avait... voilà, de refaire le chemin inverse et de s'apercevoir de tous les fondamentaux et de tout ce qu'on pouvait retrouver tant dans... voilà, dans le... Mais les Pink Floyd, c'est assez roots, hein. Ils utilisaient de l'analogique, ils n'étaient pas au numérique. Non. Ouais, c'est sûr. Puis de toute façon, les musiciens anglais de cette période-là, ils viennent tous du British blues. Et donc forcément, il y a une filiation qui remonte au début du rock'n'roll. Enfin, voilà, Mais on a blues. Voilà, moi, j'avais pas cette expérience et cette culture. Donc voilà, j'ai découvert cette musique grâce à Stéphane. Et puis on l'a apprivoisé. Merci. Apprivoisé ensemble. Et voilà, j'ai appris petit à petit et j'apprends encore. On apprend mutuellement de toute façon. C'est une interaction musicale. Toujours. Et le troisième larron, Marco, eh bien lui, je l'ai rencontré en écumant et on va dire des scènes ouvertes à Grenoble. Et puis voilà, en revoyant comme ça de manière récurrente des gens avec qui de temps en temps on tape le bœuf, il y a des liens musicaux qui s'établissent et puis une sorte de compréhension aussi. Et voilà, donc tout ça s'est greffé ensemble pour donner ce qui est de Dusty Rodeo aujourd'hui et contente comme ça de faire avancer sur le chemin. Donc vous jouerez ce samedi 5 décembre à l'Atrium au Fontanil-Cornillon. C'est une question que je pose toujours au groupe, mais vous avez des projets d'enregistrement ou des choses comme ça ou pas encore ? On va dire, enfin des projets, il n'y a pas des projets définis, mais c'est ce qu'on aimerait faire de toute façon à moyen terme, quoi. Enfin, dans le plus rapidement possible, on va dire. Ouais. Après, la première priorité, c'est surtout de jouer, en fait. Jouer, trouver des concerts, des scènes, et puis de vraiment se roder ainsi, quoi. Et de s'amuser aussi. Surtout. Principalement. On y retourne, les gars ? Eh ben, on y retourne. Allez, puisque vous vous êtes rencontrés au Turbin, allez, faut y retourner, les gars. Au boulot. Non, mais... Avec Marv. Ah, j'adore ce morceau. Dusty Rodeo dans l'apérophonie sur Campus Grenoble 90.8 en direct dans les studios et sur la scène de l'Atrium du Fontanil-Cornillon ce samedi 5 décembre, quand vous voulez, messieurs. My name is Marv, take my vis back, lie but on me, but I wanna know, I fool myself in a sin city, but life's it brief. Take my visa back. I left my job to hit the screen. 5 minutes to be remembered. A gorgeous wife and a big, big house. $1,000 in a minute. But puffed on my name, broke that down. Lost everything that he could buy. My name is Mo. Take my visa back. Lie better me. I wanna know. I fool myself in a sin city. But life's too brief. Take my visa back. I wanted to burn the Hollywood, but the Sin City just puffed me down. I bet my wife and she left me. I'd really hope she'd be back someday. Got no more roofs in either to get some fucking painkiller. My name is Mark. Take my vis back, lie better than me. But I wanna know, I fool myself in a sin city. Life's too brief, take my vis back. Bikes to paper rent and gets wood. I got back up on the ring to win. They punched me down, down to the ground. Then I went to Verser turn to fix my face inside again. My name is Mo. Take my vis back, lie better than me. But I wanna know, I fool myself in a sin city. But life's too brief, take my vis back. Bikes to paper rent and get some wood. I got back up on the ring to win. They punched me down, down to the ground. Then I went to Versurgeon to fix my face inside again. My name is Mo. Take my vis back, lie better than me. But I wanna know, I fool myself in a sin city. Life's too brief, take my vis back. My name is Mo. Take my vis back, life better than me. But I wanna know, I fool myself in a sin city. But I still breathe, take my vis back. Dusty Rodeo en direct dans l'apérophonie sur Campus Grenoble 90.8. Ils seront en concert ce samedi 5 décembre à l'Atrium au Fontanil Cornillon. Et quand tu disais que vous jouiez souvent dans des bars, ça se comprend parce que ça donne assez soif comme musique, non ? Tout à fait. Oui. Parce que déjà en chantant, on s'assèche la bouche. Tu m'étonnes. nous a rejoint Monsieur Cyril de Rockology, ce qui fait que la soirée du mercredi sur Campus Grenoble est complète. C'est ça. Ah, alors attends, je vais monter ta voix, il faut qu'on se règle. J'ai une petite voix. Ouais, ouais, bonsoir. Bonsoir voilà. Cyril. Lui aussi dans le jour. Lui aussi il sort bonsoir, du boulot. Cyril. Ouais. Bonsoir Stéphane, bonsoir Bertrand. Donc on va faire les présentations dans l'ordre. Je suis Bertrand Tapage, j'anime Voix de Garage tous les mercredis à 19h30 jusqu'à 21h sur Campus Grenoble 90.8. Je suis Cyril, j'anime Rockology qui fait suite à Monsieur Bertrand qui est alcoolique et moi-même. Comme ça on a bouclé la boucle. Et puis dans la foulée il y a Monsieur Stéphane qui anime une émission. Un peu moins alcoolique. Oh, à peine. Toujours un verre à la main. Hein. C'est ça. D'autant que je crois qu'on boit l'apéro juste après cette apérophonie, dont le titre est décidément très bien choisi. Absolument. Donc, les morceaux que vous jouez, il y a des compos, il y a des reprises, il y a... Ouais, alors il y a énormément de reprises, effectivement. Là, il y a... ce que vous venez d'entendre, ce sont des compos. Ouais. Donc, alors il y a énormément de reprises, on va dire des reprises aussi à notre sauce, mais avec des influences, en effet, beaucoup de musique roots américaine, country, rockabilly, blues. Mm-hmm. On peut y entendre des morceaux du Johnny Burnett Trio, d'Elvis Presley, Johnny Cash, ou encore de Hank Williams ou Hank Williams III. The Third. Exactement. Enfin, et puis puis aussi de Muddy Waters, mm-hmm. parce que voilà, tout, le blues c'est quand même aussi dans les gènes de ce type de musique. Donc avec des sonorités qui sont, il y a de la country, il y a du blues et du rockabilly. Donc pour les puristes, il manque toujours quelque chose, parce que voilà, pour les fans de rockabilly, c'est soit c'est un peu trop country ou blues, et inversement pour les autres. Mais on assume entièrement notre Après, pour moi, qui suis pas un spécialiste de cette musique, je trouve que c'est un joli voyage et tu vois bien, voilà, tout ce qui a créé cette musique et qui a construit cette musique et tous les liens qu'il y a entre toutes les choses. Donc, pour les gens qui veulent découvrir, c'est aussi une bonne façon d'introduire ou de revoir cette partie du rock'n'roll et de redécouvrir ça. Et vous composez à trois maintenant? Principalement plutôt moi, c'est ça. Mais on arrange à trois derrière. D'accord, forcément. Oui, d'autant qu'avec un bassiste qui vient d'une musique totalement différente, forcément, il joue forcément des choses que t'aurais pas imaginé toi. Non, je pense que j'essaye de me mettre au service de cette musique. C'est pour ça qu'il y a eu un vrai travail de, pour moi en tout cas, d'écouter, de comprendre comment c'est fait, comment ça groove, comment on place les choses. Après, voilà, je me fais justement pas influencer par... Enfin, j'essaie de pas me faire influencer par ce que je fais à côté. Mmh. Après, il y a peut-être le côté où je fais un petit peu de jazz, donc il y a peut-être plus de notes liées, etc. Mmh. Oui, c'est ce qui me semblait. Oui. Mais l'électro, non, on va éviter de le mettre là, de la mettre là. Alors, pas d'électro, mais moi, j'aime bien ajouter des faits sur ma guitare. Je Alors, sais. C'est limité, hein, mais c'est... Pas mal de trémolo, de l'écho, un peu de réverb, bon, des effets assez basiques, mais qui font leur effet. C'est ça, puisque là, on le rappelle, hein, dans les studios de Radio Campus ce soir, vous êtes à deux et en acoustique, et donc en concert le samedi 5 décembre à l'Atrium au Fontanil-Cornillon. Comme tous vos concerts, vous serez en électrique et en trio. Tout à fait. Et puis les gens qui veulent suivre l'actualité de Dusty Rodeo, savoir quels seront les concerts après celui-ci, écouter des morceaux, etc., ils peuvent aller sur votre site internet www.dustyrodeo.com. Aussi simple que ça, et puis dessus, il y a des liens vers les pages Facebook. Ouais. Donc vous pouvez nous liker sur Facebook aussi, et puis Twitter et tout ce qui s'ensuit. Quelle modernité. Ouais. C'est du roots rock and roll, mais c'est très moderne en fait. Exactement. Pas nostalgique. Ben non, puis voilà, puis pas puriste. Et Dieu sait que en faisant une émission de rock garage, normalement les puristes avec le doigt sur la couture, j'en fréquente un peu trop. Et moi, j'aime bien les mélanges en fait. Et je pense que toi aussi. Oui, j'aime bien le côté un petit peu hybride. Et puis j'écoutais. Je suis désolé d'être arrivé en retard d'ailleurs. Ben non. Mais dans la voix de Monsieur Stéphane, il y a un petit côté punk. Enfin, c'est ce que je perçois. Après, c'est subjectif ce que je viens de dire. Surtout dans la coupe de cheveux. Parlez. C'est moche de se moquer des gens qui perdent leurs cheveux. Non, mais je disais ça sans aucune arrière-pensée. Hein. C'est venu spontanément, comme ça, parce que dans le tape de voix, il y a quelque chose d'assez... Punk à l'anglaise. Non, je n'irai pas jusque-là. Non. Il y a de la mélodie, mais il y a un phrasé. Punk cutéreux. Voilà. Co-punk. Exactement. Cowpunk, exactement. Les Violent Femmes et des choses comme ça. C'est vrai que c'est un terme qui existe, cowpunk. Ouais. Cow c'est une frange de la country. D'ailleurs, je vais être raccord ce soir. J'envisage de faire une heure de country sur toutes les coutures. Ouais. Donc j'espère que tu m'accompagneras. Je t'accompagnerai. Avec plaisir. Ce sera en direct à partir de 21h sur Campus Grenoble 90.8 ce mercredi. Et pour ceux qui écoutent la rediffusion de l'apérophonie jeudi matin à partir de 8h, sachez que ces émissions-là, vous pourrez les podcaster comme toutes vos émissions préférées de Radio Campus grâce au site www.campusgrenoble.org et vous cliquez sur podcast. Après, j'espère que vous maîtrisez ce genre de technique simplette. On en fait un petit dernier ? Si ça vous convient. Eh ben un petit dernier. Puis après on passera à d'autres concerts d'autres gens que vous. Je sais, ça paraît improbable, mais vous n'êtes pas les seuls. On va parler de reprise, on va faire une reprise, tiens. Ah, excellent. On va faire un Lonesome Train. Oh oui. Du Johnny Burnett Trio. Dusty Rodeo dans la pyrophonie sur Campus Grenoble 90.8 en direct et en acoustique dans les studios. C'est quand vous voulez, messieurs. Lonesome train on a lonesome track. I'm gone away, ain't coming back. I'm gone somewhere, far from my baby. A lonesome train, a lonesome track. A lonesome train, on a lonesome track. Got all my troubles in one big pack. My baby left me, so sad and lonely. On a lonesome train, a lonesome track. A lonesome train, on a lonesome track. My girl don't love me, ain't that's the fact. No use in living, no use in dying. On a lonesome train, a lonesome track. Lonesome train, on the lonesome track. I want my baby, I want her back. Don't want to go, I'm forever traveling. On a lonesome train, a lonesome track. On a lonesome train, on a lonesome track. On a lonesome train, on a lonesome track. Dusty Rodeo dans l'apérophonie et en direct, en acoustique. Merci, messieurs. Merci à toi Bertrand, merci à Cyril, merci à tout le monde. Et donc, on vous voit sur scène à Troyes, ce samedi 5 décembre à l'Atrium au Fontanil-Cornillon et en électrique. Exactement, alors bah oui, samedi, on vous attend tous, samedi, c'est 10 euros l'entrée, c'est pas cher, hein, ça reste moins cher que Florence Foresti. Forcément. Private joke. Et donc, pour ceux qui ne connaîtraient pas l'Atrium, se trouve au terminus du tram, ligne E, au Fontanil-Cornillon. Tout à fait. Merci beaucoup. Vous êtes chargé d'aller chercher la tournée, la première. Eh ben, on va s'y atteler. À consommer avec modération, bien entendu. Et nous, pendant que tout le monde se débranche de l'autre côté de la vitre de Radio Campus, pour ceux qui ne comprennent pas ce que je veux dire par la vitre, vous pouvez aller sur la page Facebook de Radio Campus, il y a des photos de Dusty Rodeo dans les studios, vous verrez, il y a une vitre, il y a des micros, enfin tout ça, quoi. Merci à vous et bon concert samedi. Merci, merci Bertrand, merci à tous. Et la soirée rock continue. Bah oui, oui, on n'a pas fini, nous. Ça continue jusqu'à 23h. Non, plus tard même, puisqu'il y aura Radio Shaman live. À partir de 23h pour des musiciens encore en direct de l'électro blues voodoo. Pour le reste de la journée. Voilà. Allez, merci. Va chercher les bières maintenant. Et puis nous, avec Radio Campus, on est partenaire d'autres concerts dont on va parler maintenant. Par exemple, toujours dans le cadre du festival de ciné-concert Le Tympan dans l'œil, la soirée de clôture aura lieu ce samedi 5 décembre. Ça se passera à la Bobine. C'est un ciné-concert où Electric Electric plus Pierre Lambla vont jouer de la musique pendant la projection de Où est la maison de mon ami de Abbas Kiarostami. Vous pouvez gagner vos places pour aller voir ce ciné-concert en envoyant le mot de passe frémissement à concours@campusgrenoble.org. concours@campusgrenoble.org. Le mot de passe, c'est frémissement. C'est samedi 5 décembre à la Bobine et c'est la soirée de clôture du festival Le Tympan dans l'œil. Électrique, électrique, ils ont sorti un formidable album chez Muraille Musique, un label sur lequel on a toujours un œil et les deux oreilles. Et donc on va s'écouter un titre justement de Electric. Electric, ce sera assez différent de ce qu'ils feront ce samedi 5 décembre dans le cadre du festival, mais évidemment comme c'est une prestation unique et que c'est une collaboration, il n'y a rien d'enregistré. Mais avec un titre de leur album, vous vous ferez déjà une idée de l'ambiance musicale qu'ils peuvent poser Electric dans la pyrophonie sur Campus Grenoble 90.8. C'est maintenant. Allez, roule ma poule. Non, ça veut pas jouer. Allez. Électrique, électrique parce que sur Radio Campus on est éclectique, éclectique et qu'après Dusty Rodeo... Sans aucune transition évidemment, on a eu le droit à électrique, électrique. Voilà. Peut-être ça... pour signifier que leur set sera électrique. Et pas mal électronique je pense. Donc ça c'est un extrait de leur album. Eux, ils seront en ciné-concert ce samedi 5 décembre à la Bobine à Grenoble en compagnie de Pierre Lambla, donc ce sera une collaboration. Et ils joueront la musique sur la projection de Où est la maison de mon ami d'Abbas Kiarostami. Et c'est la soirée de clôture du festival Le Tympan dans l'œil. Pour ce concert, nous vous faisons gagner vos places. Le mot de passe, c'est frémissement et vous devez l'envoyer par mail à concours@campusgrenoble.org. concours@campusgrenoble.org pour aller écouter et voir, puisque ce sera les deux, ce ciné-concert ce samedi à la Bobine. À Grenoble. Every night we help our audience interpret the controlled press. Vous êtes donc dans l'apérophonie sur Campus Grenoble 90.8 et en direct sur www.campusgrenoble.org. On va vous récapituler quelques partenariats de la radio. Par exemple, toujours à la Bobine, mardi 9 décembre, les Anglais de Go Go Penguin, qui font un espèce de mélange de musique électronique, de jazz, avec beaucoup de classe, je trouve, seront donc en concert. Et là aussi, c'est un partenariat Radio Campus. On vous fait gagner vos places. Cette fois-ci, le mot de passe, c'est banquise, pour aller voir Go Go Penguin. Ah oui, il y a un thème hein, forcément. Ce sera mardi 9 décembre à la Bobine à Grenoble. Voici le premier single extrait de l'album de Go Go Penguin. Vous êtes sur Campus Grenoble 90.8 et c'est l'apérophonie. Une autre utilisation de la contrebasse après les Dusty Rodeo en live et en direct dans l'apérophonie sur Campus Grenoble 90.8. À l'instant, c'était les Anglais de Go Go Penguin avec le premier single extrait de leur album. Ils seront en concert mardi 9 décembre à la Bobine à Grenoble. Un concert soutenu par Radio Campus. On vous fait gagner vos places. Vous envoyez le mot de passe banquise à concours@campusgrenoble.org. concours@campusgrenoble.org pour aller voir Go Go Penguin mardi 9 décembre à la Bobine à Grenoble. Ils n'ont pas tout à fait le look de la musique qu'ils font, c'est ce qu'on se disait. C'est ça, ils ont l'air assez studieux, quoique ça se discute, ouais. Hein, faut le dire. Là, sans aucune transition évidemment, puisque c'est un peu le leitmotiv de la soirée, on va parler de No One Is Innocent, ce qui ne nous rajeunit pas, cher Bertrand. Non, No One Is Innocent, qui sont toujours en activité. Ouais. Ils ont sorti un album très récemment. C'est d'ailleurs pour cela qu'ils sont en tournée actuellement. Ils seront de passage, eux aussi, mardi 9 décembre, mais à la Belle Électrique. Le mot de passe pour aller voir ce concert grâce à Radio Campus, c'est Écorché Vif. Celui-ci, vous l'envoyez comme toujours à concours@campusgrenoble.org. Écorché Vif pour aller voir No One Is Innocent mardi 9 décembre à la Belle Électrique à Grenoble. Et donc voici un titre extrait du nouvel album de No One Is Innocent qui s'appelle Propaganda. Et vous êtes bien sur Campus Grenoble 90.8. Mais putain, c'est ça revient. Putain, si ça revient, signé par No One Is Innocent, extrait de leur dernier album en date Propaganda, pour lequel ils sont actuellement en tournée. Ils seront de passage mardi 9 décembre à la Belle Électrique à Grenoble. Et on vous fait gagner vos places. Le mot de passe, c'est écorché vif, à envoyer à concours@campusgrenoble.org. Ben voilà, l'apérophonie, c'est vraiment terminé pour ce soir. Si vous nous écoutez mercredi, dans quelques secondes, ce sera English Talk Radio, l'émission en anglais de Radio Campus, avec Viviane qui est au musée et qui vous fera visiter en audio rien que pour vous. Ensuite, ce sera Voix de Garage, puis Rockologie, puis Honky Tonk Live. Toutes ces émissions sont à retrouver en podcast également. Merci de votre attention, bonne soirée, et puis ça se terminera ce mercredi avec Radio Chaman en direct, les musiciens, pour de la musique improvisée dans les studios de Radio Campus. Bonne soirée, bon concert et profitez de la vie, comme disait l'autre. À bientôt, l'apérophonie, c'est terminé pour ce soir ou pour aujourd'hui. That was the Freedom Bell, to remind you that you are listening.